Ainsi, la fontaine de Jouvence, qui donne la jeunesse éternelle, est sans doute l'un des plus vieux mythes de l'humanité. Il n'est pas totalement incongru d'imaginer qu'elle devienne réalité à moyen ou à long terme. Cet été encore, un nouveau progrès a été fait dans la lutte contre le vieillissement. Des chercheurs ont réussi à inverser les processus sur des cellules vasculaires in vitro. Mais le vieillissement est un ensemble de processus complexes, multifactoriels. Alors si les enjeux en termes de santé publique et d'éthique sont colossaux, il n'est pour autant toujours pas dit que la personne qui vivra 1000 ans soit déjà née, n'en déplaise aux transhumanistes. Vieillissement cellulaire, la fontaine de Jouvence, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et comprendre en quoi consistent aujourd'hui les différents secteurs de recherche autour du vieillissement et les enjeux colossaux, comme je le disais, de santé publique que cela représente, nous avons le plaisir de recevoir en direct depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier, Jean-Marc Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM, directeur adjoint de l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Et nous sommes ici à Paris, dans les studios de France Culture, à la Maison de la Radio avec Oliver Bischoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et chef d'équipe à l'Institut Pasteur dans le domaine du vieillissement et de l'oncogénèse. On va voir que les deux sont intimement liés au cours de cette heure. Voilà, vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes de France Culture, en podcast si vous ne réécoutez, ou en parallèle via notre fil Twitter, @laméthodeFC. Alors pour commencer, si aujourd'hui en France l'espérance de vie est de plus de 85 ans pour les femmes et de près de 80 ans pour les hommes, la moyenne mondiale, elle, est nettement plus basse, hein, d'environ 71 ans. Bref, vous le comprenez tout de suite, l'âge, la vieillesse, ce sont des notions très relatives. Écoutez cet archive de 1951. Bien, moi j'estime que ce sont toujours les mêmes qui sont jeunes et toujours les mêmes qui sont vieux. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Bien, parce que je connais des tout petits garçons qui sont vieux, je connais des toutes petites filles qui sont vieilles, et je connais de très vieilles dames qui sont très jeunes et de très vieux messieurs qui sont très jeunes. Oui, mais je pense tout de même que cette boutade n'est pas destinée dans votre esprit à écarter la réponse à la question posée. Est-ce que vous pensez que les femmes vieillissent plus vite que les hommes ? Je crois que, pour l'instant, elles vieillissent encore un peu plus vite que les hommes, mais qu'il faut se dépêcher de le dire, parce que, par exemple, depuis Balzac, elles ont gagné 20 bonnes années. À l'époque de Balzac, on disait de la femme de 30 ans, ce qu'on dirait peut-être aujourd'hui de la femme de 55 ou de 60, et que dans 10, 15 ou 20 ans, eh bien, nous aurons largement rattrapé la toute petite différence que nous avons encore à gagner. Georges Ravon ? En tout cas, pour l'instant, on dit d'une femme de 50 ans, elle n'est pas jeune, et on dit d'un homme de 50 ans, il n'est pas vieux. Oui, mais il va venir très bientôt le jour où on dira d'une femme de 50 ou de 60 ans, non pas elle est encore jeune, comme on dit aujourd'hui, mais elle est toujours jeune. Elle est toujours jeune. Voilà, nous sommes en 1951, les femmes vieillissent plus vite que les hommes. En 51, en 2018, c'est largement l'inverse, Jean-Marc Lemaître. Oui, oui, aujourd'hui, effectivement, la longévité est différentes pour les hommes et les femmes. Les femmes ont, comme vous l'avez indiqué, à peu près une durée de vie moyenne de 84 ans, 85 ans, et les hommes à peine 80 ans. Donc, oui. Oui, allez-y, continuez. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui cette différence de longévité entre les hommes et les femmes ? Est-ce qu'elle est bien comprise ou pas encore ? Non, pas vraiment. Il y a probablement des facteurs hormonaux qui peuvent intervenir, et puis peut-être qu'il y a un passé où la femme probablement consommait moins d'alcool, peut-être tout ça entre dans la moyenne, bien sûr. Les femmes fumaient un petit peu moins aussi. Tout ça a changé. Peut-être que dans le futur, cette différence va se niveler. Oliver Bischoff, votre sentiment à ce propos ? Oui, peut-être il y a des différences entre des femmes et des hommes. Peut-être dans les cellules même, comme le stress est exactement répandu par les cellules et traité. Peut-être il y a des différences, mais c'est très méconnu encore. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, on entendait dans l'archive dire au temps de Balzac, on parlait des femmes de 30 ans comme on parle aujourd'hui des femmes de 50 ans, est-ce qu'on connaît exactement les raisons de l'augmentation très très significative de l'espérance de vie depuis, disons, la deuxième moitié du XXe siècle, Oliver Bischoff ? Oui, je pense que tout ça c'est lié dans notre mode de vie, comment on se comporte, et aussi pas mal des révolutions de médecine. On a trouvé des antibiotiques pour traiter pas mal de maladies. On a très fort pour courir des cancers avec des opérations, etc., etc. Tout ça, c'est à cause des révolutions en médecine. Mais pour le vieillissement, on sait très, très peu comment ça marche. Jean-Marc Lemaître, vous confirmez aujourd'hui, on va parler du vieillissement, et je parlais de ce vieillissement multifactoriel. On commence tout de même à connaître un certain nombre de mécaniques, de facteurs qui sont en cause dans le vieillissement cellulaire et dans le vieillissement, c'est-à-dire la prise d'âge de l'individu, qui sont deux choses qu'il va bien falloir distinguer. Oui, alors effectivement, je rejoins Oliver Bischoff sur ce point. Au cours des 50, 60 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions médicales, depuis les antibiotiques à toutes sortes de médicaments maintenant qui nous font prévenir aussi les maladies cardiovasculaires, en rétablissant le taux de cholestérol, etc. Donc tout ça a fait que petit à petit les pathologies qui étaient associées à l'âge, eh bien, sont un petit peu retardées. Donc on gagne effectivement un petit peu d'espérance de vie grâce à la médecine. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de vieillissement? Antoine Roux, que vous connaissez peut-être, qui est biologiste, qui travaille sur ces questions, dit: on ne sait toujours pas définir le vieillissement au niveau cellulaire, on en voit les marqueurs, mais on ignore comment il se déclenche. C'est comme un assassin mystérieux dont on ne connaît que la signature. Est-ce que vous êtes d'accord? C'était en juin 2016, donc c'est assez récent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Jean-Marc Lemaître? Alors, oui, sauf qu'on commence quand même petit à petit à avoir non seulement des marqueurs du vieillissement et de certaines destinées des cellules, notamment la sénescence, mais on commence à aller creuser un petit peu directement sur le génome, l'organisation du génome, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de traces qui font que la cellule, la physiologie de la cellule, petit à petit fonctionne de moins en moins bien. Oliver Bischoff. On peut peut-être ajouter aussi, sans composante de cet commentaire, il est vrai parce que le stresseur physiologique dans notre organisme, on ne sait pas exactement quel stresseur déclenche la sénescence dans notre organisme, chez une souris. Et on sait pas mal de choses si on regarde la sénescence dans des cellules en cultivation, mais pas quel stresseur va déclencher la sénescence dans notre organisme. Ça, on sait pas encore. Peut-être que ce serait bien de définir ce qu'on entend par sénescence par rapport au terme de vieillissement. Est-ce que c'est exactement la même chose, le vieillissement et la sénescence? De quoi parle-t-on, Jean-Marc Lemaître? Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu une sorte d'amalgame qui s'est fait entre le terme vieillissement et sénescence. Comme si tout cela était deux synonymes. En fait, c'est finalement très différent, et si on veut préciser les choses, la sénescence, c'est avant tout un mécanisme cellulaire qui fait que la cellule va déclencher un processus qui va arrêter la division des cellules, parce que la cellule est endommagée, elle a des stress, il faut qu'elle répare un certain nombre de choses, et donc elle arrête le cycle, et parfois elle l'arrête de façon permanente, et c'est ce qu'on appelle la sénescence. Alors la cellule sénescente, en plus de cet arrêt du cycle de division, présente certaines caractéristiques qui ont été identifiées depuis une dizaine d'années. C'est qu'elle va avoir tendance à sécréter tout un ensemble de facteurs dans l'environnement, dont certains peuvent être plutôt bénéfiques et d'autres plutôt délétères. Et on sait aujourd'hui que ces cellules sénescentes, s'accumulent avec l'âge dans les tissus, et que elles ont un effet délétère sur l'environnement tissulaire, l'homéostasie de nos tissus et notre capacité à régénérer nos tissus, qui est bien sûr diminuée avec l'âge. On va revenir dans un instant justement sur ces processus de sénescence et de voir qu'ils peuvent au départ justement être plutôt bénéfiques pour notre corps et notamment empêcher le développement de tumeurs. J'aimerais votre opinion sur une autre citation d'un autre chercheur, Nir Barzilai, qui est directeur de l'Institut de recherche sur le vieillissement de l'Albert Einstein College of Medicine, qui estime, lui, aux États-Unis, que le vieillissement est une maladie et que donc, comme toute forme de maladie, on peut lutter contre. Qu'en pensez-vous, Oliver Bischoff? C'est une bonne question. Vieillissement comme maladie. Si on prend la perspective pour traiter, c'est bien pour traiter le vieillissement comme une maladie, parce que là, on peut faire des médicaments et des thérapies. C'est pas encore le cas. Et c'est pour ça, c'est extrêmement difficile pour passer par les FDA. Food and Drug Administration. Exactement. Voilà. Pour concevoir des thérapies contre le vieillissement. Mais en revanche, on peut créer des thérapies contre des maladies associées au vieillissement, comme l'ostéoarthrite, le diabète type 2, l'ostéoporose, etc., etc. Et là, on peut intervenir avec des thérapies. Et il y a maintenant pas mal des boîtes start-up qui effectivement fait ça. C'était un changement paradigmatique important. Si j'ai cité Nir Barzilai, c'est parce qu'effectivement, comme vient de le rappeler Oliver Bischoff, à un moment donné, face à la Food and Drug Administration qui donne l'autorisation de délivrer, de travailler et des autorisations de recherche sur les médicaments, si le vieillissement est considéré comme une maladie, alors on peut chercher à développer directement un certain nombre de drogues et de molécules contre le vieillissement. Jean-Marc Lemaître, ça a été effectivement une bascule sur la recherche sur le vieillissement aux États-Unis. Oui, en effet. Et c'est vrai que pendant très longtemps, même, enfin, je veux dire, en France, c'était pas si simple que ça de travailler sur le vieillissement et d'obtenir des financements pour travailler sur le vieillissement, parce que les chercheurs s'intéressaient plutôt aux maladies qui sont associées au vieillissement. Et je pense que depuis une dizaine d'années, depuis une bonne caractérisation du rôle de la sénescence dans le vieillissement, eh bien, on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte d'une façon générale, que finalement, il y avait un dénominateur commun probablement à toutes ces pathologies liées à l'âge, et que peut-être c'était ce dénominateur commun qu'il fallait traiter pour traiter en même temps le vieillissement et les pathologies qui sont associées. Donc oui, ça a été un vrai changement de paradigme. Oui. Et on va revenir sur ces différents facteurs qui sont impliqués dans le vieillissement. On va parler d'inflammation, d'oxydation, de télomères, de sénescence donc, de facteurs génétiques. Mais pour commencer, on va revenir précisément sur cette définition de la cellule sénescente et de ces liens de la lutte contre la sénescence et de la lutte contre le cancer. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h13, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des vieillissements cellulaires tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Marc Lemaître qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Hérault Montpellier et avec Oliver Bischoff ici présent à la maison de la radio. Alors je le disais, la sénescence cellulaire, on l'a entendu tout à l'heure, ce n'est pas un mal en soi contre lequel il faudrait lutter pour ralentir le vieillissement. Bien au contraire, c'est un mécanisme naturel qui a pour fonction première de lutter contre les tumeurs. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu au CEA à Saclay à la rencontre d'une équipe qui travaille précisément sur ces deux facettes de la sénescence. Oui, vous le saviez sans doute déjà, mais moi pas. Un grain de beauté est une tumeur qui n'a pas abouti. Et si elle n'a pas abouti, c'est parce que des cellules sénescentes sont intervenues pour bloquer la mécanique tumorale. Karl Mann et Jean-Yves Turet sont les responsables de l'équipe sénescence et stabilité génomique de l'Institut de biologie intégrative de la cellule OCEA à Orsay. Dans leur laboratoire, ils cherchent à mieux comprendre cette sénescence en lien avec l'expression d'un oncogène, c'est-à-dire d'un gène qui favorise le développement des tumeurs. Mais ça n'est pas tout, d'autres travaux sont à venir. Un premier travail de recherche sur l'identification de marqueurs permettant de caractériser les cellules sénescentes et un deuxième projet de recherche sur le développement de molécules qui permettent de tuer sélectivement les cellules sénescentes sans affecter les cellules normales. Globalement, on s'intéresse comme pas mal d'équipes travaillant dans le domaine aux deux aspects de la sénescence cellulaire. Donc, il y a l'aspect par rapport à sa contribution au vieillissement de l'organisme. Il y a aussi un autre phénomène qui a été observé, c'est-à-dire que la sénescence cellulaire pourrait agir comme un mécanisme de suppresseur de tumeurs, c'est-à-dire ça peut être une défense où l'organisme est capable d'empêcher la progression vers le cancer. Et donc, par exemple, mon collègue Jean-Yves pilote une étude cherchant à comprendre par quel mécanisme la sénescence cellulaire peut agir comme mécanisme de suppresseur de tumeurs. Alors, quel type de tumeurs sont concernées par vos recherches et expliquez-moi un petit peu en quoi consistent ces recherches. En fait, des collègues ont observé il y a déjà un petit moment que l'expression de l'oncogène, qui est un des oncogènes les plus exprimés dans les mélanomes, en fait, quand il s'exprime dans des cellules normales, des mélanocytes normaux, entraîne la sénescence cellulaire, ou en tout cas peut entraîner la sénescence cellulaire et par exemple la formation de grains de beauté, des névus, qui peuvent ensuite évoluer dans des proportions très faibles vers le mélanome, mais qui dans la plupart des cas vont rester à l'état de structures visibles sur la peau, mais qui ne vont pas entraîner l'évolution vers un cancer, alors pourtant que ces cellules expriment un oncogène activé. Alors ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce que quand on pense oncogène, donc un gène qui exprime a priori quelque chose qui va mener vers une tumeur, il émet en même temps quelque chose qui provoque la sénescence, alors que quand on pense cancer, on pense prolifération de cellules. Expliquez-moi un petit peu ce paradoxe et est-ce qu'on l'explique ? C'est à l'origine des études sur la sénescence induite par les oncogènes. C'est-à-dire que c'était effectivement ce paradoxe qui est que des oncogènes activés, identifiés comme comme étant importants pour la division des cellules cancéreuses, dans des cellules normales, peuvent entraîner un arrêt de prolifération extrêmement stable, avec un phénotype très particulier qui est un peu caractéristique de la sénescence. On travaille aussi, surtout avec des cellules en culture, où on essaie de modéliser le processus en utilisant des cellules où on peut exprimer l'oncogène qui va déclencher le phénomène de sénescence de façon conditionnelle dans des cellules en culture. Et de cette façon-là, on peut plus facilement manipuler le système pour disséquer le mécanisme. Je m'appelle Adèle Mongelinck et je suis doctorante dans l'équipe de Karl Mann et sous sa direction. Je travaille sur la détermination des mécanismes d'action d'un biomarqueur de la sénescence. Alors, je m'appelle Régis Courberet, donc je suis technicien supérieur dans le laboratoire et du coup je m'occupe de tous les aspects techniques dans le laboratoire, donc manipulation, etc. Avec Karl et Jean-Yves sur les deux projets en fait, du laboratoire. Donc là, on est dans une salle de culture où on travaille, par exemple, Adèle et Régis travaillent souvent ici dans l'équipe. Alors, on travaille surtout avec un modèle de cellule qui est facile à cultiver, un type cellulaire appelé le fibroblaste. Le fibroblaste, effectivement, se trouve dans le derme au niveau de la peau et contribue à la structure, l'intégrité structurelle de la peau. Dans le cas de mélanome, c'est pas le type cellulaire qui est affecté. Dans le cas de mélanome, c'est comme Jean-Yves avait dit tout à l'heure, le mélanocyte, qui est une cellule pigmentée qui est responsable de la coloration de la peau. Alors là, Monsieur Thuret, vous venez de sortir justement des échantillons de cellules. Oui. Donc c'était par rapport à la remarque de Karl tout à l'heure, qui était qu'on choisit de travailler sur des systèmes cellulaires dans lesquels on peut induire la sénescence par différentes façons. Donc là, par exemple, j'ai trois boîtes de culture, une boîte parentale où les cellules poussent normalement et j'ai pas induit particulièrement de sénescence. Et puis ici, deux modalités différentes d'induction de la sénescence où on voit que les cellules peuvent avoir des aspects très différents aussi en fonction du signal qui va déclencher la sénescence cellulaire. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est un dommage de l'ADN qui va déclencher la sénescence. Et ici, ce sera l'expression d'un oncogène activé. C'est le sens de ma question suivante. Vous parlez d'induction de sénescence. Comment on induit la sénescence? Comment on provoque cette sénescence-là en labo avec ces cellules-là? On peut exprimer de façon conditionnelle un oncogène qui va normalement stimuler de façon trop importante la prolifération. Ça va déclencher ce mécanisme où la cellule normale est capable, par un mécanisme qui n'est pas tout à fait décrit, qu'on étudie, hein, de se rendre compte qu'elle est en train d'exprimer un oncogène, que ça peut être dangereux, ça peut permettre une progression vers le cancer, et du coup, la cellule déclenche ce processus de sénescence cellulaire qui bloque la prolifération et empêche la progression vers une tumeur. on parle d'une recherche qui se fait dans un cadre de recherche fondamentale. Quand on pense à la recherche scientifique, souvent et parfois un peu à tort, on pense aux applications potentielles de certaines recherches. Alors vous, en ce moment, Monsieur Thuret, vous êtes en train de vous orienter vers des recherches potentiellement avec applications. Quelles sont-elles ? Alors en fait, les deux projets qu'on mène en parallèle au laboratoire, il y a des aspects applicatifs potentiels. Une des thématiques en fait qui est en train d'émerger avec des preuves de concept chez la souris qui se sont accumulées quand même dans les dernières années, c'est que quand les cellules sénescentes s'accumulent ou restent dans l'organisme, en fait, elles peuvent avoir des effets délétères pour le fonctionnement de l'organisme. Donc il y a deux aspects importants dans ce cadre-là. Le premier, c'est d'arriver à bien identifier les cellules sénescentes. Et donc, un des projets du laboratoire depuis de nombreuses années, c'est d'essayer d'identifier des marqueurs justement qui permettent de caractériser les cellules sénescentes. Et puis un projet qu'on avait abordé il y a maintenant quelques années en mode un peu pilote sur un nombre très restreint de petites molécules, c'était d'essayer de trouver des drogues qui permettent de tuer sélectivement les cellules sénescentes sans affecter les cellules normales. C'est ce qu'on appelle des molécules sénolytiques. Et ça, c'est des approches qui sont en train de vraiment se développer avec beaucoup de start-up. Donc on va obtenu un financement du CEA pour ça et on va initier un projet très bientôt avec un étudiant en thèse qui arrivera dans les semaines qui viennent. On va rechercher à la fois des molécules qui peuvent être sénolytiques et aussi des voies de signalisation, des voies de métaboliques cellulaires qui sont essentielles pour les cellules sénescentes sans être essentielles pour les cellules normales. Voilà l'une des voies de recherche aujourd'hui autour du vieillissement et de la sénescence cellulaire. Une réaction, je vais vous demander d'abord à vous Jean-Marc Lemaitre et puis ensuite à Oliver Bischoff dont c'est aussi un peu le cœur du travail actuel, ces molécules sénolytiques dont on va reparler dans un instant. Jean-Marc Lemaitre. Oui, alors effectivement, comme ça vient d'être dit, au départ, la sénescence cellulaire est plutôt un mécanisme suppresseur de tumeurs puisque c'est des voies de signalisation qui sont déclenchées par la cellule qui permettent d'arrêter le cycle cellulaire parce que un endommagement a été détecté, éventuellement non réparable. Et la cellule a plusieurs choix lorsqu'elle est stressée, qu'elle a des endommagements. Soit elle fait de la sénescence, soit elle fait de l'apoptose, c'est-à-dire qu'elle va déclencher un mécanisme qui va détruire la cellule. Hein, c'est la mort cellulaire programmée. Et il y a ces deux mécanismes de sauvegarde, je dirais, de la cellule au cas où l'endommagement est difficile à réparer et que la cellule ne peut pas poursuivre son cycle et sa fonction physiologique. Pour ce qui est de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec les pistes concernant les sénolytiques, effectivement, à partir du moment où on a identifié que les cellules sénescentes avaient une sécrétion particulière et qu'elles pouvaient être délétères pour l'environnement, sans ajouter le fait qu'effectivement, à partir du moment où elles sont endommagées, si elles échappent à la sénescence, eh bien, elles vont vers une voie de tumorigénèse. Donc trouver des molécules qui sont capables de détruire sélectivement ces cellules sénescentes, c'est vrai que c'est un énorme enjeu de santé publique aujourd'hui. Et beaucoup de laboratoires se lancent dans cette aventure et aidés souvent par des start-up pour supprimer ces cellules sénescentes lorsqu'elles sont apparues. Parce qu'il n'est pas question, bien sûr, d'empêcher la sénescence en supprimant les voies de la sénescence, par exemple, puisque là, on empêcherait à ce mécanisme suppresseur de tumeurs de fonctionner en cas de dommage et on favoriserait l'apparition de tumeurs. Ce qui serait évidemment très préjudiciable à la santé. Oliver Bischoff, c'est votre domaine de recherche, justement, hein, les molécules sénolytiques. Expliquez-nous un peu déjà une réaction à ce que vous venez d'entendre. Je peux ajouter peut-être que trouver des biomarqueurs en ce moment, c'est le plus, je pense, le plus difficile et le plus important aussi. Parce que, biomarqueurs de cellules sénescentes. Hein. Exactement, parce que en ce moment, on n'a pas des marqueurs spécifiques, mais associés. C'est-à-dire, on trouve les mêmes biomarqueurs dans notre cellule et c'est pour cela qu'on doit combiner différents marqueurs pour augmenter la chance d'identifier une cellule comme sénescente. Mmh. Et notre recherche maintenant s'implique pour vraiment trouver des biomarqueurs spécifiques pour des cellules sénescentes. Et C'est pas évident. Se pose maintenant le problème que ça semble que la sénescence est plutôt un parapluie. Et les cellules sont en dessous de cette parapluie est différente et ça dépend des tubes cellulaires et aussi les stresseurs qui induisent la sénescence. Notre équipe maintenant cherche les commonalités entre des cellules sénescentes induites par différents stresseurs dans différents contextes cellulaires. Mais cette commonalité pour trouver des pistes thérapeutiques pour cibler plusieurs types de sénescences. Parce que évidemment, les sénescences, on l'a pas dit au début de cette émission, mais les différents types de cellules n'ont pas le même type de sénescence, n'ont pas les mêmes types de reproduction cellulaire, n'ont pas les mêmes types de réagissent pas de la même façon au même type de stress. Exactement. L'exemple des grains beautés, c'est un bon exemple parce que là, on vit avec les grains beautés toute la vie. Rien se fait avec. Mais dans notre cas, il existe des cellules sénescentes dans un induit pendant l'oncogène, dans le foie, dans le poumon, etc., qui est attaqué par les systèmes immunitaires. Ils sont mangés et éliminés comme ça. Mais les autres grains beautés, ils restent toute la vie. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Ça veut dire, déjà, il y a une différence entre des cellules sénescentes dans un contexte cellulaire différent. Et aussi, comme indiqué avant, il y a des phénotypes sécrétaires. Ça veut dire, il y a des molécules sécrétées par des cellules sénescentes. Et peut-être ça joue sur ça. Il y a la composition de cette sécrétion, elle est différente. C'est pour cela. Quelques cellules sénescentes, ils sont attaquées par le système immunitaire, les autres pas. Mais c'est quoi la différence en composition? On ne sait pas, mais on fait la recherche sur. Jean-Marc Lemaître, ces molécules sénolytiques, quelle pourrait en être l'utilité? Comment les définir? Comment sur quelle base en fait les assembler, les construire? Alors aujourd'hui, les premières molécules sénolytiques qui ont été déterminées ont été basées sur des travaux de la Mayo Clinic aux États-Unis, le groupe de Jean Vandersen, qui ont déjà fait la preuve de concept que lorsqu'on détruisait dans des modèles de souris les cellules sénescentes, on retardait toutes les pathologies, un certain nombre de pathologies associées à l'âge, mais qu'en plus on gagnait de la longévité en bonne santé. Et donc ils sont allés rechercher par des analyses d'expression de gènes dans les cellules sénescentes quelles pouvaient être les voies qui étaient activées qui empêcher à ces cellules de se détruire, donc de déclencher les voies de l'apoptose, de la mort cellulaire programmée. Et ils ont essayé un certain nombre de molécules qui pouvaient en quelque sorte réveiller ces voies de l'apoptose spécifiquement dans les cellules sénescentes. Donc ça, c'est une piste, c'est-à-dire on sait que les cellules sénescentes sont résistantes à l'apoptose, et donc permettre à ces cellules de déclencher l'apoptose c'est déjà une voie vers l'identification de molécules spécifiques. Il y a une autre voie que vous travaillez, Oliver Bischoff, qui ne sont pas les molécules sénolytiques, mais les sénomorphes. Oui. Et là, il faut peut-être repréciser que la sénescence va souvent de pair avec des mécanismes inflammatoires, avant de parler des sénomorphes. Oui, exactement. Comme indiqué, les sénolytiques, sénomorphes pour âge et lytiques pour lysis, détruire, éliminer des cellules sénescentes. Les sénomorphes, c'est des molécules qui modifient le phénotype des cellules sénescentes. Le phénotype, c'est l'expression du génome. Hein. Exactement. Et ça veut dire on peut intervenir pour changer cet aspect négatif des phénotypes sécrétoires et intervenir comme par exemple avec le rapamycine qui est connu de réduire cette sécrétion des molécules dans les cellules sénescentes. Mais il y a des autres pistes pour intervenir, pour regarder et pour étudier. C'est-à-dire, par exemple dans notre équipe, on a fait la recherche pour vraiment approfondir apprendre le système d'une cellule, ça veut dire on voudrait connaître pas juste quel gène fait ça, mais la totalité, le réseau, comment tous les facteurs jouent ensemble, mm-hmm. les protéines, les gènes, etc. Si on connaît on peut modéliser ou connaître ce système en détail. On peut vraiment faire in silico des tests avec des drogues. In silico, c'est sur ordinateur, donc. Avec des drogues ABC, par instant, et voir qu'est-ce qui se passe avec cette cellule et le phénotype secrétoire changé ou pas. Mmh. Et ça, c'est notre but en ce moment, et on a maintenant trouvé des pistes pour faire directement ça. Jean-Marc Lemaître, un peu même question que tout à l'heure avec les cellulitiques. Quel est l'intérêt thérapeutique aujourd'hui de pouvoir intervenir, comme vient l'expliquer Oliver Bischoff, sur le phénotype de ces cellules sénescentes via ces molécules cellomorphes? Alors, effectivement, si on n'arrive pas à détruire directement les cellules sénescentes, on peut essayer de diminuer l'expression de ces facteurs qui sont sécrétés, qui sont délétères. Alors, tout l'enjeu est de bien cibler ceux qui sont vraiment délétères, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a des aspects positifs dans la sénescence, et donc il faut être vraiment très sélectif. Mais en tout cas, si on arrive à supprimer l'expression ou diminuer grandement l'expression de ces facteurs, eh bien on devrait avoir un bénéfice pour le tissu, et donc éventuellement retarder une pathologie liée à l'âge. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure au début de cette émission de l'espérance de vie générale, c'est-à-dire 85,4 ans pour les femmes en France, 79,5 pour les hommes, donc toujours en France. Mais il faut préciser que l'espérance de vie en bonne santé, ça n'est pas tout à fait les mêmes chiffres, et c'est là où on arrive à des chiffres de 20 ans plus bas, hein, Jean-Marc Lemaître. Oui, parce qu'effectivement, avec le vieillissement, dans la dernière partie de la vie, eh bien, on a toutes ces pathologies qui associées à l'âge qui apparaissent. Oliver en a cité quelques-unes, le diabète de type 2, voilà, il y a les cancers qui sont voilà, l'ostéoporose. Et donc, on arrive à une situation où pouvoir contrôler une de ces pathologies est tout à fait faisable, mais quand on en a plusieurs, on arrive à une période, on a une sorte de morbidité, de comorbidité qui s'installe et qui fait que, eh bien, il y a trop de pathologies en même temps. Et c'est vrai que si on avait un dénominateur commun et qu'on pouvait cibler ce dénominateur commun, là, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que le vieillissement, c'est une maladie ou pas? En tout cas, si on arrive à corriger un des événements qui est impliqué dans le vieillissement, notamment la sénescence, eh bien, on aura un bénéfice pour l'ensemble de ces pathologies ou un grand nombre de ces pathologies, probablement. La lutte contre le vieillissement n'étant pas finalement la quête de cette fameuse fontaine de jouvence que j'évoquais au début, mais précisément de permettre aux gens de vivre plus longtemps et dans un meilleur état de santé globale. C'est ça. C'est ça. camion. My head is getting gray. What you gonna do about that, whoop? I've got to find me some place to stay. Getting old and grey, devenir vieux et gris, c'est notre destin à tous. Enfin, c'est celui que je vous souhaite, en tout cas. Olin Wolf sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de vieillissement cellulaire et de la recherche autour de la lutte contre les mécanismes de vieillissement. Nous en parlons avec Jean-Marc Lemaître, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Héros à Montpellier, qui est directeur de recherche INSERM, directeur adjoint de l'Institut de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier, et avec Oliver Bischoff, qui est ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris, qui est directeur de recherche CNRS et chef d'équipe à l'Institut Pasteur dans le domaine du vieillissement et de l'oncogénèse. On a entendu dans la première partie que la sénescence était précisément un mécanisme, une mécanique cellulaire qui permettait de lutter contre le développement de tumeurs. Et j'aimerais qu'on en vienne à vos travaux dans quelques instants, Jean-Marc Lemaître. Mais avant cela, si vous le voulez bien, revenir un instant sur cette publication du mois de juillet que j'évoquais au tout début de cette émission. Ces chercheurs de l'université d'Exeter au Royaume-Uni qui ont réussi à inverser le vieillissement de cellules vasculaires humaines en laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Jean-Marc Lemaître? Alors, ce que ces chercheurs ont fait, ils se sont basés sur la sénescence et la sécrétion de ces facteurs, ce phénotype sécrétoire qu'on appelle dans notre jargon le SASP. Et ils ont testé l'utilisation du sulfure d'hydrogène, qui normalement est plutôt toxique, pour voir si ça pouvait influencer sur la sécrétion de ces facteurs associés à la sénescence. Et ils ont trouvé un moyen via des transporteurs de délivrer dans les cellules, au niveau même des mitochondries, cette molécule de sulfure d'hydrogène. Et ils ont observé qu'ils arrivaient à augmenter l'expression d'un certain nombre de facteurs qui sont en mesure de contrôler justement la sénescence et ce phénotype sécrétoire. Donc quelque chose d'assez paradoxal au départ, mais qui explique bien ce qu'est aussi la recherche, c'est que parfois des petites choses inattendues arrivent. Et là, c'était sûrement une surprise aussi, probablement pour ces personnes au départ. Une petite molécule qui peut jouer sur ces facteurs de sénescence. Oui, ça a l'air, quand on regarde et quand on se plonge sur l'ensemble des travaux de lutte contre la sénescence, le sulfure d'hydrogène, ça a l'air d'être finalement une solution assez simple. Vous n'avez pas l'air totalement convaincu, Oliver Bischoff. Non, j'ai convaincu, c'est intéressant, mais peut-être... Parce que pas mal de facteurs dans des protéines, dans les cellules, ont besoin des groupes sulfuridyl dans des protéines. Sulfuridyl, c'est sulfure d'hydrogène. Oui. Exactement. Et si on modifie des sites dans des acides aminoacides. Des acides aminés, oui. Aminés. Il y a pas mal de facteurs transcriptionnels qui besoin cette liaison avec une petite molécule de zinc. Et c'est pas encore surprenant que cette molécule marche parce qu'on a besoin de cette modification dans les protéines. Alors il faut préciser que ça, les résultats pour l'instant sont exclusivement in vitro, que ça n'a pas été fait in vivo. On va comprendre dans quelques instants que le passage in vivo, c'est quand même l'un des enjeux qui est extrêmement complexe dans la lutte contre le vieillissement et la sénescence. Peut-être dire un mot, ce qui est intéressant pour conclure rapidement sur cette étude, Jean-Marc Lemaître, c'est que ça a été fait sur des cellules vasculaires. Or, les cellules vasculaires sont évidemment l'un des endroits où la recherche sur la sénescence est particulièrement importante, parce que ce sont des cellules qui peuvent conduire, comme vous le disiez tout à l'heure, à un certain nombre de facteurs de maladie, de comorbidité très graves quand on avance en âge. Oui, les cellules qui fabriquent, enfin qui sont à l'origine de nos vaisseaux, bien sûr, sont soumises comme toutes les autres cellules à la sénescence, et créer de la sénescence dans un tissu qui va être soumis à une dilatation, à des phénomènes comme d'avoir de la tension, et bien rajoute en quelque sorte au phénotype global de l'âge. Alors, parlons justement de vos travaux, Jean-Marc Lemaître. Vous et vos équipes, vous avez réussi ce qu'on peut qualifier une sorte d'exploit hein, dans la lignée des travaux du prix Nobel de médecine et de physiologie japonais. Vous avez réussi à remettre à zéro, en quelque sorte, l'horloge génétique de cellules sénescentes en les faisant régresser au stade de cellules IPS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Je vous laisse le temps de nous raconter ces travaux, parce qu'ils sont assez passionnants. Allez-y. Oui, alors effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur le vieillissement, nous avions au laboratoire déposé un projet avec l'idée était de pouvoir rajeunir des cellules âgées, des cellules sénescentes, essayer de faire une sorte de preuve de concept que cela était possible. Et parce qu'on imaginait que ça pouvait ouvrir tout un ensemble de portes justement pour traiter le vieillissement. Et l'idée de base, c'était d'utiliser les capacités des cellules souches embryonnaires, qui sont des cellules qui permettent qui se renouvellent de façon indéfinie, qui n'ont pas de marque de sénescence, et donc d'essayer de transférer ces capacités dans des cellules âgées, voire des cellules sénescentes. Et à peu près au moment où nous avons démarré notre recherche, eh bien monsieur Yamanaka, un groupe de japonais, effectivement a montré qu'on pouvait le faire sur une cellule adulte, simplement en utilisant quatre facteurs géniques surexprimés dans ces cellules, qui permettaient de convertir une cellule adulte différenciée en une cellule pluripotente, induite donc, ou IPS, et avec des propriétés similaires à celles des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire non seulement s'auto-renouveler de façon infinie, mais aussi de se différencier dans tous les types cellulaires de l'embryon et de l'organisme. Et donc nous avons imaginé qu'il était possible de le faire sur des cellules âgées, et des cellules sénescentes. Et avec ce cocktail de quatre facteurs, nous n'avons pas réussi à reprogrammer des cellules sénescentes pour en faire des IPS. Et la littérature a abondé par la suite dans ce sens, indiquant que lorsque la cellule vieillissait et qu'elle avait des mécanismes qui allaient la conduire en sénescence, qui étaient susceptibles d'être activés de façon rapide, eh bien le cocktail de Monsieur Yamanaka avait tendance à le favoriser et arrêter le cycle et empêcher donc cette reprogrammation. Donc nous avons essayé tout un ensemble de facteurs, une combinaison de facteurs, et nous avons réussi à identifier 6 facteurs au lieu des 4 de Yamanaka, de Monsieur Yamanaka. Et là, on a pu dériver efficacement des cellules IPS à partir de cellules sénescentes, donc relancer la prolifération et faire que ces cellules deviennent des vraies cellules pluripotentes. Et on est même allé le faire sur des cellules de peau issues de centenaires, parce que on imaginait que ces cellules étaient vraiment, vraiment âgées, elles avaient des marques du vieillissement. Et la réelle preuve de concept de la réversibilité du vieillissement cellulaire, entre guillemets, ça a été celle de redifférencier ces cellules à nouveau en fibroblastes. Hein. Les cellules de départ étaient des fibroblastes de la peau. On a redifférencié ces cellules IPS en fibroblastes de la peau. Et on a comparé ces cellules avec les cellules de départ. Et là, on a vu que tout un ensemble de marques du vieillissement et de la sénescence avaient été effacées. Alors aussi bien le télomère, qui est l'extrémité de nos chromosomes, qui raccourcit à chaque division cellulaire, oui. Voilà, avec le vieillissement et la sénescence, que l'expression génique, que la physiologie, que le métabolisme, c'est-à-dire la physiologie mitochondriale qui est altérée aussi avec l'âge, et puis le fait que, eh bien, on avait récupéré une capacité de prolifération qui correspondait aussi à une cellule, un fibroblaste jeune de type embryonnaire au début de ses divisions. Donc on a identifié que tous ces paramètres avaient été en quelque sorte remis à zéro et qu'on pouvait à nouveau donner une sorte de seconde vie à nos cellules. C'est évidemment une grande avancée. La question, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de passer de in vitro à in vivo. Aujourd'hui, est-ce que on peut jouer directement sur ces fameux gènes de reprogrammation, sur ces 6 gènes in vivo? Est-ce qu'on peut les induire in vivo? Alors oui, la poursuite des travaux de Monsieur Yamanaka, elle va vers utiliser ces cellules reprogrammées pour faire de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire redifférencier ces cellules et puis aller les greffer dans un tissu où elles sont ou manquantes ou altérées pour régénérer le tissu. Mais effectivement, il y a 2 ans de cela, un laboratoire aux États-Unis a montré qu'on pouvait déclencher l'expression de ces gènes, mais de façon transitoire, sans aller jusqu'à la fabrication de ces cellules pluripotentes induites, et que cette induction transitoire, eh bien, permettait d'effacer un certain nombre de marques du vieillissement. Et sur des modèles de souris, bien sûr, qui avaient été construits pour pouvoir induire ces gènes de reprogrammation, non seulement de façon transitoire, mais de façon inductible avec une petite molécule qu'on donne aux souris, eh bien, montrer que les souris sur des modèles de vieillissement prématuré, eh bien, augmentaient leur longévité et surtout effacer un certain nombre de marques du vieillissement et de la sénescence. La longévité était tout de même augmentée de plus de 25% et en bonne santé pour ces souris. Oliver Bischoff. Effectivement, on peut déclencher ces molécules de façon transitoire in vivo, mais sur des animaux, bien sûr, qui ont été construits pour ça. On n'en est pas à les induire, bien sûr, chez l'homme. Oliver Bischoff. Oui, en effet, les résultats de Jean-Marc Lemaître sont tout à fait remarquables parce que, au début, on a pensé que la sénescence est irréversible. Dès qu'une cellule s'arrête de proliférer, elle ne peut pas rentrer en prolifération. Et c'est pour ça que c'est remarquable que Jean-Marc a trouvé ça. Mais ça donne aussi des pistes comme un cancer peut se produire. On a dit au début que la sénescence cellulaire, c'est un mécanisme cellulaire qui bloque la tumorogenèse. Maintenant, on peut déclencher la reprolifération des cellules sénescentes. Ça veut dire que c'est possible que dans la cancérogenèse, aussi des cellules sénescentes peuvent se mettre en prolifération encore et commencent à proliférer. En fait, il y a des résultats de notre collègue à Berlin, Clement Schmidt, qui montrait que dans un modèle de souris génétiquement modifié où on peut jouer avec sénescence en marche ou pas en marche, que dès que c'est possible que des cellules sénescentes puissent se mettre en prolifération encore, et dès que cette cellule sénescente va proliférer encore, elle est encore plus agressive et beaucoup c'était très très difficile à traiter. Ça veut dire que le traitement classique ne marche pas. C'est pour ça que cette piste, Jean-Marc, pour vraiment ça ouvrir aussi des possibilités que le cancer ou les cellules précancéreuses sénescentes prend cette piste pour échapper à la sénescence. Jean-Marc Lemaître, à ce propos-là, effectivement, ça ouvre aussi des voies justement sur en cancérologie, en oncogénèse, pour mieux comprendre ces mécanismes et pour comprendre pourquoi certains types de cancers, quand ils surviennent plus tard dans la vie, ont des formes plus agressives que sur des patients qui les développent plus tôt. Alors, ce que disait Oliver est vrai, c'est-à-dire que on sait que des cellules sénescentes peuvent échapper de la sénescence, et lorsqu'une tumeur croît, eh bien, on sait qu'on trouve à l'intérieur de la tumeur des cellules souches tumorales, hein, c'est des cellules souches à part entière, c'est-à-dire qu'elles sont capables de s'auto-renouveler, et puis elles sont aussi capables de se différencier, ce ne sont pas des cellules pluripotentes, mais elles ont une capacité de cellules souches, et donc elles ont cette capacité à propager la tumeur. Et un certain nombre de travaux ont montré que ces gènes justement de reprogrammation, eh bien, parfois dans certains types de tumeurs, eh bien, on pouvait les trouver réexprimés, comme si la cellule avait réussi à trouver des voies de reprogrammation pour propager la tumeur. Mmh. Olivier Bischoff. Oui. Et pour cela, c'est peut-être aussi intéressant pour développer des thérapies anticancéreuses en deux étapes. On peut initier avec une chimiothérapie classique le déclenchement de la sénescence dans une tumeur, et au deuxième temps, on peut en fait éliminer des cellules en deuxième étape pour éviter cet échappement à la fin. C'est mieux pour les patients. C'est-à-dire diminuer la part de Jean-Marc Lemaitre, diminuer la part de chimiothérapie, oui, pour ensuite s'en prendre directement aux cellules sénescentes et pouvoir les éliminer via des mécanismes immunitaires classiques. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Bon. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on termine ce tour de table par évidemment quelques questions éthiques autour de la recherche contre le vieillissement, la lutte contre le vieillissement. Je le disais tout à l'heure en introduction, parce que c'est une vieille antienne de certains transhumanistes convaincus qui disent la personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Vous y croyez, vous, l'un et l'autre, à cette antienne-là, Jean-Marc Lemaitre? 1000 ans, c'est certes une longue vie. Hein. Non, ça doit être très ennuyeux, mon Dieu. sauf d'avoir plusieurs vies. Oui. Finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, eh bien, petit à petit, on traite les pathologies. Bientôt, on va traiter la sénescence, on va traiter le vieillissement d'une façon plus globale, donc, et retarder les pathologies liées à l'âge. Ce qui veut dire que les personnes, globalement, vont vivre probablement un petit peu plus longtemps et en meilleure santé. Toute la question est de savoir si l'espèce humaine a finalement une limite biologique, mmh, qui serait atteinte ou pas. Aujourd'hui, notre doyenne de l'humanité, c'est Madame Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à plus de 123 ans. Et on ne sait pas, il y a des études épidémiologiques qui tentent à indiquer que peut-être qu'on aurait atteint cet âge limite, mais on ne sait pas si en traitant les patients avec des molécules qui vont supprimer la sénescence, si effectivement on ne va pas dépasser cet âge avancé. Aujourd'hui, pour le coup, il n'y a pas de réponse. On entend bien qu'aujourd'hui, la majeure partie des travaux de recherche autour de la lutte contre le vieillissement tendent à, comme vous venez de l'expliquer, Jean-Marc Lemaitre, à diminuer la comorbidité, à prolonger plutôt l'état de vie en bonne santé et pas tant de prolonger la vie. Mais il est difficile de ne pas se poser la question, Oliver Bishop, avec une humanité à bientôt 10 milliards d'êtres humains, 11 milliards d'êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un danger prométhéen à aller chercher à prolonger à tout prix la vie humaine alors qu'on est déjà, ma foi, si nombreux? Ouais, c'est une question fait très très. comment on peut dire diplomatiquement? Je pense que le problème ne se pose pas. On ne va pas attendre un âge de 1000 ans, 10 000 ans. Je pense qu'il y a des limites, biologiquement parlant. Et c'est pour ça, pour moi, ça ne pose pas le problème. Mais on voit aussi qu'il y a moins en moins de jeunes qui se reproduisent. Et plus en plus des personnes âgées. Ça dépend du pays, hein, parce exactement, que c'est vrai pour l'Europe, c'est pas vrai pour l'Afrique, c'est pas vrai pour l'Asie. Exactement, mais là, en Afrique et en Asie, il y a la mortalité, c'est beaucoup plus haut avant l'âge 50. Vraiment, comme Jean-Marc a déjà indiqué, c'est pas l'espérance, prolonger l'espérance, c'est vraiment finir sa vie en bonne santé. en quelque sorte. Si c'est 80, 75, 90, c'est pas important. Mais honnêtement, je pense pas que ça va être une vie illimitée, immortelle. C'est un peu science-fiction pour moi. Non, bien sûr. Entendons bien. Évidemment, ce que je voulais noter, c'est qu'évidemment, vous l'avez évoqué, hein, évidemment, les espérances de vie ne sont pas les mêmes en fonction des continents. Se pose toujours la question de la discrimination sociale, du coût de ces thérapies, qui sont des thérapies relativement chères, qui vont pouvoir être accessibles à une certaine part de la population. Il y a tout de même une vraie recherche ou une vraie problématique éthique autour de ces recherches-là, Jean-Marc Lemaître. À partir du moment où, enfin, mon avis, c'est que dès qu'on on fait de la recherche, qu'on fait de la médecine pour soigner des personnes qui sont malades, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, peu importe si on augmente la longévité et que c'est un facteur indirect, l'objectif avant tout, c'est de soulager, de traiter. Alors, est-ce qu'on va vivre 150 ans, 200 ans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que plus on va traiter les patients et plus on va, je pense, augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que nous n'allons pas tous arriver à l'âge canonique de Madame Calment en bonne santé? Peut-être que si. Et je dirais, et alors, c'est très bien. Si tout le monde pouvait arriver à cet âge-là, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème éthique à se poser, quelle que soit la population mondiale, la surpopulation entre guillemets. Je crois que quand on regarde la population mondiale et que on la met à une densité de celle de la région parisienne, je crois qu'on ne couvre que les États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a encore de l'espace sur la planète. C'est plutôt comment on va gérer notre espace qui est en compte. C'est la question de l'espace, mais aussi des ressources, parce qu'il va falloir nourrir et donner à boire à toutes ces mouches. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, les enjeux financiers sont colossaux, parce que vieillir en bonne santé, c'est aussi réduire drastiquement faire des économies gigantesques pour la collectivité, Olivier Bichot. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu la balance. Parce que la plupart de l'argent pour les maladies, c'est dépensé dans les derniers 10 ans de vie, pas avant. Et c'est énorme, le budget. Et si on trouve des thérapies qui peuvent réduire cette morbidité, ça va réduire l'argent pour dépenser. C'est toujours une balance entre l'investissement pour la recherche et pour traiter les maladies. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marc Lemaître. Merci à nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier qui ont rendu ce duplex possible. Merci beaucoup Olivier Bischoff d'être venu nous parler de ces questions liées au vieillissement cellulaire et à peut-être, qui sait, cette époque future à court ou à moyen terme où nous vivrons tous aussi vieux que Jeanne Calment. En tout cas, vous avez toute votre vie pour réécouter cette émission qui restera indéfiniment jusqu'à ce que le réseau finisse par s'effondrer lui aussi, peut-être par trop de vieillesse. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les éditions que vous pouvez podcaster, écouter à l'envi sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lezen, Top, Bumdenstock, Nomi Nagat, Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique cette semaine, demain, nous nous élèverons très haut dans l'atmosphère pour partir à l'étude des vents avec le satellite Eolus. Mercredi, nous parlerons de l'hadronthérapie, une nouvelle arme dans l'arsenal de la lutte contre le cancer. Jeudi, des grandes erreurs scientifiques. Et vendredi, table ronde d'actualité scientifique. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.